chèche, e se tout sa m le posede. Pa ho ki pe moun ka pale, nou kon fwaye pou nou jere. E de fè mè chè ou ki te kè ou pale, paske ti kèm se pou liye. Ensemble, pour nous aller.